Chapitre deuxième. Monsieur Pépin restait seul, put se livrer à ses regrets en toute sécurité, et comme il était méthodique, il régla définitivement l'exercice et les manifestations extérieures de son deuil. Le matin à 8 heures, Constant, domestique un peu voleur mais relativement consciencieux, dut lui apporter sur un plateau de tasses comme au temps où Élisabeth prenait avec lui ce premier repas. Seulement, il n'y avait plus de chocolat que pour une personne. Il est inutile de gâcher de l'argent pour affirmer un principe tout moral. À 9 heures, M. Pépin montait en tramway pour se rendre au champ de repos où gisait la moitié de lui-même. Il s'agenouillait sur la terre, recueilli, et jurait à Élisabeth une fidélité éternelle. Il déjeunait et dînait dans la salle à manger. En face de lui, sur un socle, à la place qu'elle occupait d'ordinaire, il fit dresser le buste de la défunte, œuvre d'un locataire artiste, équivalent en nature de plusieurs termes impayés. Le sculpteur ayant apporté à ce travail une négligence toute particulière, la ressemblance était parfaite, et si la femme était morte, le buste, lui, était vivant. Son couvert était mis, et Constant, d'après les ordres reçus, lui présentait le plat d'abord, d'une inclination rapide, discrètement esquissé et sans insister, ce qui eût attaché un peu de ridicule à une intention touchante. M. Pépin, qui n'avait jamais passé pour un don Juan, se trouvait donc aussi à voir ses festins de pierre, et il n'est pas douteux que la présence d'une statue imprime un caractère auguste à l'accomplissement d'une fonction assez grossière en somme. De 2 heures à 5, M. Pépin s'enfermait pour revivre ses souvenirs dans la chambre nuptiale où il avait connu les suprêmes joies. Ses méditations poignantes le plongeaient presque immédiatement dans un sommeil profond, et quand il sortait du sanctuaire, les yeux bouffis, on s'effaçait avec respect devant l'image austère de la douleur en marche. M. Pépin goûtait une amère volupté dans la solitude. L'amertume provenait d'un incommensurable ennui. La volupté résidait dans l'orgueil de montrer aux populations un chagrin de qualité supérieure et tel que ne sauraient l'éprouver de petites gens.